Soir au château. Je vais me faire massacrer. Tu sais que je suis toujours là pour toi, mon chéri. T'en veux combien? 3 ou 4. Bon, je t'envoie un échantillon dès demain pour te donner un avant-goût, ok? Ah, merci. Ah, je t'aime, Céline. Merci, merci.